Chapitre 17. Edzal Prime, The Third Horizon. Quatre minutes avant l'impact. Maître Jedi, êtes-vous certaine qu'il s'agisse du bon choix? Demanda l'amiral Kronara. Avar Kriss percevait son inquiétude. C'était un bon commandant, et même si elle ne faisait pas techniquement partie de son équipage, elle savait qu'il se sentait responsable de sa sécurité. D'autant que s'il faisait ce qu'elle lui demandait, il la condamnerait probablement à mort. Tout à fait certaine, amiral. Nous avons embarqué autant de réfugiés que possible, et davantage encore. Elle observa le hangar. C'était vrai. À lui seul, il abritait des centaines d'êtres qui n'avaient plus que les vêtements qu'ils portaient sur le dos. Personne n'avait reçu l'autorisation d'emporter quoi que ce soit d'autre. On avait alloué la moindre parcelle d'espace disponible dans l'immense croiseur au sauvetage des habitants du système. Et malgré tout, certains restaient prisonniers à la surface de la planète. L'amiral Kronara et son équipage avaient fait de leur mieux, mais le Third Horizon n'était qu'une machine. Et arrivé à un certain point, on ne pouvait plus ajouter de masse sans empêcher le vaisseau de décoller, auquel cas il ne sauverait personne. « Ces gens ont peur », déclara Avar. « Je le sens. Il faut que vous les conduisiez en lieu sûr. » « Mais si vous échouez, vous mourrez !» dit Kronara en désespoir de cause. « Je le sais, amiral. Mais il y a là-bas des milliards d'habitants qui n'ont pas trouvé le moyen de quitter Edzal Prime. » répondit-elle en désignant le ciel, visible par la rampe de sortie du hangar. Le vaisseau, en vol stationnaire à des centaines de mètres au-dessus des champs qui bordaient Aguirre City, avait quitté le spatioport après avoir pris à son bord le maximum de réfugiés. « Si je ne tente pas cela, » poursuivit Avar, « ils mourront à coup sûr, jusqu'au dernier. Mais pouvez-vous réellement les sauver ?» À ma connaissance, ce genre de choses n'est pas possible, même pour des Jedi. Avar lui sourit. Tout est possible grâce à la force. À présent, prenez le Third Horizon et partez. J'ai du travail, et il est important que vous livriez un rapport direct à la chancelière Sou concernant ce dont vous avez été témoin ici. Il ne suffit pas de lui en parler par com. Rien de tout ceci n'aurait dû se produire. Il y a un problème, je le sens. L'hyperespace est malade, pour ainsi dire. Bien sûr, maître Jedi, répondit l'amiral. Mais vous devriez faire ce rapport vous-même. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous ne pouvez effectuer cette tâche depuis l'espace. Je ne connais pas grand-chose à la Force, mais je sais qu'elle fonctionne à de grandes distances. Et si vous étiez en sécurité à bord, au moins vous auriez un moyen de vous échapper si... Avar Kriss pensait que le meilleur moyen de sortir vainqueur d'une dispute consistait à ne pas y participer. Elle descendit donc la rampe en courant et bondit dans les airs. Le vaisseau flottait au-dessus d'un champ de céréales bleues qu'elle ne connaissait pas. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elles offraient une vue magnifique. Elle utilisa la force pour ralentir sa chute, effectua une culbute et atterrit doucement sur le sol labouré entre deux rangées de pieds impeccablement espacés. Le Third Horizon n'était déjà plus qu'une tache qui rétrécissait dans le ciel lorsqu'elle releva la tête. L'amiral Kronara avait accepté sa défaite et quittait le système sans perdre de temps. Parfait. Il ne leur en restait que très peu. « Concentre-toi », s'exhorta-t-elle. Le temps manquait réellement, et la tâche à mener à bien ici était presque impossible. Un réservoir de Tibana liquide hyper réfrigéré de la taille d'un grand vaisseau se dirigeait droit sur l'un des trois soleils du système Edzal, une étoile de classe R. Lorsqu'il s'y écraserait, la nature volatile de la substance qu'il contenait, associée à la chaleur intense de l'astre et à sa composition unique et riche en azote, provoquerait une réaction en chaîne rapide. Le soleil, alimenté par l'explosion, doublerait quasiment de volume en émettant des radiations capables de calciner le secteur tout entier en l'espace d'un instant. En un rien de temps, le système Edzal cesserait d'exister. À moins que la force n'impose une autre volonté et n'emploie ses instruments, les Jedi, pour l'en empêcher. Kronara ne comprendrait jamais pourquoi il était si important pour Avar de rester sur la planète. il ne pouvait effleurer la force. Avar avait besoin de demeurer à la surface parce que ce monde était une planète de vie. Certes, la force imprégnait toute chose, même aux confins gelés de l'espace. Elle entendait toujours son chant, mais ici, au milieu de ce chant, entouré de choses que les fermiers de Hetzal Prime avaient fait pousser, avaient cultivées avec amour et soin, ce chant devenait puissant. Puissant et délicieux. Ici, elle n'avait pas besoin de consacrer du temps ou de l'énergie supplémentaire à établir un lien profond avec la force. Elle la sentait tout autour d'elle. Avar Kriss leva son comlink. Elle le configura en mode émission seulement, sachant que ce qu'elle s'apprêtait à expliquer susciterait des questions de la part de nombreux autres Jedi du système, parmi lesquels certains de rang supérieur au sien. Jorah Mali faisait partie du Conseil Jedi, et même si elle envisageait de quitter sa place pour prendre son poste à bord du flambeau stellaire, elle ne l'avait pas encore fait. Techniquement, elle pouvait tout à fait ordonner à Avar d'arrêter. Non pas qu'elle fût susceptible de le faire, sans doute, mais pourquoi prendre le risque? Avar pensa à Elzar Mann, coutumier de ce genre de choses. Mieux vaut demander pardon que la permission constituait littéralement son credo personnel. Il va adorer ça, songea-t-elle avant de parler. Mes amis Jedi, ici Avar Kriss. Je me trouve à la surface de Hetzal Prime. Vous savez que je vous ai tous observés tandis que vous ne ménagiez pas vos efforts pour sauver ce système et son peuple. Vous vous en êtes incroyablement bien tirés. Mais quelque chose d'autre est sur le point de se produire. Quelque chose de terrible. Et il nous faut agir tous ensemble pour l'empêcher. L'une des anomalies hyperspatiales se dirige droit vers le plus grand des soleils. Et c'est un conteneur de Tibana liquide. On m'a expliqué que l'impact provoquerait une réaction en chaîne très rare qui annihilerait tout dans ce système. C'est à nous qu'il appartient de dévier ce conteneur vers une autre trajectoire. Nous demanderons à la force de nous venir en aide. Nous nous attelons peut-être à une tâche impossible. Et quiconque reste ici court le risque de mourir si nous échouons. Le Third Horizon est sur le point de sortir du système. Tous ceux qui souhaitent partir peuvent s'y arrimer. Mes pensées vous accompagnent. Avar attendit. Même si elle avait coupé la réception de son comlink, le chant du système lui rapportait qu'aucun vecteur n'avait modifié sa trajectoire pour se diriger vers le Third Horizon qui entamait son accélération. Tous avaient choisi de rester. Les Jedi étaient avec elle. « Commençons, » dit-elle. Elle rangea son comlink. Les mots ne suffisaient plus pour la tâche à venir. Avar transmit les concepts par la connexion qu'elle entretenait avec ses homologues Jedi. Chacun recevrait des impressions sous une forme qui lui parlerait, ou du moins l'espérait-elle. Un plan très simple, à vrai dire. Il y a un objet qui se déplace très vite. Il est très grand et très lourd. Il faut qu'il change de direction. Nous allons le trouver tous ensemble et faire affluer la force tous au même endroit, tous de la même façon, tous au même moment, et nous allons le déplacer pour qu'il n'entre pas en collision avec le soleil. Simple, mais d'une difficulté phénoménale. L'espace était vaste, et il fallait coordonner l'action de très nombreux Jedi afin que les efforts des uns n'annulent pas ceux des autres, qu'ils ne fassent pas appel à la force à des moments légèrement différents. Bref, voilà la tâche qui l'attendait, et s'en plaindre ne servait à rien. Le sabre laser d'Avar glissa hors de son étui et s'éleva dans les airs grâce à la force. Il flotta jusqu'à ce que le manche se trouve devant son visage, la garde à hauteur de ses yeux. Il s'alluma d'un coup avec un chuintement d'énergie, faisceau d'un vert vif qui pointait vers le ciel d'azur et illuminait le champ bleu autour d'elle. L'arme commença à tourner sur elle-même, doucement, comme les ailes d'un moulin. Elle émettait un son en fauchant l'air, un ronronnement sourd et régulier. Avar inspira, expira, et la cadence augmenta peu à peu. Le bruit changea de ton pour passer des basses à des notes plus aiguës, aux tonalités rondes et agréables à l'oreille. Le sabre tournoya de plus en plus vite, au point que l'œil ne pouvait plus suivre l'arme transformée en un disque lumineux au centre métallique et brillant. Le sabre offrait un spectacle magnifique, mais Avar ferma les yeux. Elle n'avait pas besoin de voir. Il lui suffisait d'entendre. Son sabre laser n'était pas qu'une arme. Ici, maintenant, c'était un instrument. La note qu'émettait la lame s'éleva encore pour se muer en tintement clair, les vrombissements et la plainte ordinaire du faisceau cédant la place à un ton pur et cristallin. La conscience d'Avar se fondit dans le champ du sabre, dont elle ajusta la vitesse de rotation jusqu'à ce que la note émise entre en harmonie avec. « Oui, » pensa Avar Kriss, « je l'entends. » Son esprit s'élança tandis que le sabre chantait en accord avec le cœur plus vaste de la force, devenant en un instant le système tout entier et tout ce qui s'y trouvait, en particulier les Jedi qui avaient établi à leur façon un lien avec la force. Ce qu'Avar percevait comme une mélodie, Elzar Mann le voyait sous la forme d'un océan infini et abyssal secoué par la tempête. Le Wookie Buryaga devenait une feuille unique sur un arbre gigantesque aux racines profondes et aux branches frôlant le ciel. Douglas Sunvale se représentait la force comme d'immenses engrenages imbriqués les uns dans les autres et composés d'une variété sans limite de matériaux, du cristal à l'os. Belzéthifar dansait avec le feu, Loden Greystorm dansait avec le vent. Il ne s'agissait plus du simple réseau qu'elle avait bâti auparavant. C'était bien plus profond. Tous les Jedi étaient la Force, et la Force était chacun d'eux. Et elle, Avar Kriss, pouvait les effleurer tous, quelle que soit la manière dont ils visualisaient la Force. Mais à présent, il lui fallait trouver leur cible. Le module plein de Tibana qui filait vers le soleil. Elle avait du mal avec tous ces Jedi qui chantaient dans sa tête, ce cœur qui entonnait la symphonie de la force à plein poumon. Tant de Jedi, tant d'êtres, tant de vie. Chaque grain du chant qui l'entourait et qu'elle ne percevait plus que de façon diffuse résonnait comme une flûte. Quelque part dans cette immensité se trouvait le module à la dérive, prêt à les anéantir tous. Lui ne chantait pas sa propre mélodie, mais cette absence. Justement, demeurait perceptible. Un silence, une césure, un point d'orgue d'une taille et d'une durée bien spécifiques. Là, elle l'avait repéré, pas de doute. Il était parti. Elle l'avait perdu. « Blast !» s'exclama-t-elle, et tout vacilla au risque de s'écrouler. Elle avait perdu l'anomalie et ne parvenait plus à la retrouver, pas au sein de ce chaos où tout évoluait et tourbillonnait au sein du système. C'était comme regarder une fleur dans une prairie battue par le vent, détourner les yeux un instant, puis tenter de la retrouver précisément au milieu de toutes les autres. Le temps se fracturait, instant fragmenté qui se perdait dans le néant, à jamais. Il fallait qu'elle la retrouve. Absolument, elle ne pouvait échouer. La responsabilité lui en incombait. Personne d'autre ne pouvait y arriver. Non. Qu'avait-elle dit? Nous allons trouver le module tous ensemble. Elle disposait d'un système plein de Jedi qui œuvraient de concert avec elle. Chacun entretenait sa propre connexion avec la Force, différente de la sienne peut-être, mais pas moins puissante. Avar Kriss demanda de l'aide, et l'aide lui fut accordée. Ce fut Estala Maru qui trouva l'anomalie en premier. Avar pouvait voir la force à travers ses yeux. Pour Maru, la bombe de Tibana ressemblait à une lumière unique, allumée derrière une fenêtre unique, dans un petit bâtiment unique d'une ville qui tourbillonnait dans la nuit. Mais une fois qu'il l'eut repérée, il suffisait d'orienter les autres Jedi pour qu'ils regardent eux aussi dans cette direction, ce qu'ils firent tous. Le reste reposait désormais sur Avar. Elle prit un peu de recul, estimant la distance qui séparait encore la bombe de l'étoile et de l'impact. Il ne restait plus beaucoup de temps. La coque extérieure du réservoir dégageait déjà de la vapeur sous l'effet de la chaleur solaire. Il fallait agir. Il y a un objet qui se déplace très vite. Il est très grand et très lourd. Il faut qu'il change de direction. Nous allons faire affluer la force tous au même endroit, tous de la même façon, tous au même moment. » Avar Kriss montra quoi faire aux Jedi, et tous puisèrent dans la force comme un seul homme. Ils ne s'économisèrent pas. Ils intervinrent avec la discipline du désespoir, sans rien garder en réserve. Et nous allons le déplacer. Non loin de la lune fruit, Théami perdit connaissance, une humeur jaune coulant de ses lèvres. Nous allons le déplacer. Un groupe de 5 vectors en formation serrée perdit le contrôle de sa dérive à force de concentrer ses efforts sur la déviation de la bombe de Tibana. 2 des appareils se percutèrent avant que leurs pilotes ne parviennent à se reprendre et les 3 Jedi qui les occupaient furent emportés. Nous allons le déplacer. Maintenant, pensa Avar. À travers tout le système, les Jedi se projetaient dans la force. Certains fermaient les yeux, levaient les bras, se mettaient debout, s'installaient en posture de méditation au sol ou lévitaient au-dessus. Certains se trouvaient dans des vaisseaux, d'autres à la surface des planètes. Beaucoup étaient seuls, mais d'autres étaient venus accompagnés de membres de leur ordre, ou étaient entourés de petits groupes capables de sentir d'une façon ou d'une autre l'importance de ce qui se produisait à l'instant, même si eux-mêmes ne savaient pas effleurer la force. Des dizaines de Jedi agissant conjointement. La galaxie vibra. Une main invisible saisit fermement la bombe de Tibana pour la jeter de côté. Un geste délicat, mais précis. Comme pour jeter un œuf à quelqu'un dans l'espoir que la coquille ne se brise pas entre ses mains. Avar tendit l'oreille. Ils avaient réussi. Ils avaient fait obliquer le Tibana. Mais ils avaient également échoué. Le réservoir n'avait pas suffisamment dévié. Il allait percuter le soleil malgré tout, et à l'instant même, elle sentait le liquide qui chauffait dans le conteneur, la pression qui montait, préparant l'explosion qui présageait d'une déflagration plus effroyable encore. « Encore !» dit-elle aux Jedi, ceux qui pouvaient toujours l'entendre et répondre à son appel. L'effort avait fait perdre connaissance à nombre d'entre eux lors de la première tentative. Le fardeau n'en serait que plus lourd pour les autres. « Il faut que nous essayions de nouveau. » Avar percevait la lassitude dans le champ, celle de tous ses compagnons issus de leur ordre bienfaisant, ces héros qui étaient restés pour sauver des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés et ne verraient vraisemblablement jamais, des gens qui ignoreraient tout de leur choix et du sacrifice qu'ils avaient consenti pour eux. Tout ceci n'avait aucune importance. Elle sentit ses homologues faire abstraction de leur épuisement, se tonifier et renouveler leur concentration. En outre, elle sentit que d'autres Jedi y ajoutaient leur propre effort depuis Coruscant, depuis l'autre bout de la galaxie. Même Yoda, où qu'il fût, avec son petit groupe de novices. Au cœur général se joignait sa voix unique. Une voix d'une beauté bouleversante, sans rapport avec son apparence physique. Rien à voir avec cette simple matière brute. Avar n'aurait jamais cru possible une telle prouesse. Mais comme elle l'avait expliqué à l'amiral, avec la force, rien n'était impossible. Son ordre luttait à ses côtés et elle au sien. Et la force était avec eux. Nous allons le déplacer. Un autre moment précis. Un autre effort considérable. Nous allons le déplacer. Elle sentit les Jedi qui prononçaient les mots avec elle, tous à leur façon, les concentrant dans le prisme au travers duquel ils voyaient la force. Non! Il ne les prononçait pas seulement. Il les chantait. Nous allons le déplacer. D'autres Jedi disparurent, la plupart perdant connaissance là où ils se trouvaient ou partant en spirale à bord de leur vector. Certains parvinrent à reprendre le contrôle, mais d'autres furent perdus à tout jamais. Romar Montgo, Lio Jose, le chevalier Jedi Ra Barochi vacilla et tomba de la tour agricole de la lune Racine où il avait aidé une famille dont la fille avait subi une crise d'épilepsie en raison du stress de l'évacuation. La petite s'était calmée et sa crise avait pris fin. Mais Ra tomba de 20 étages et ne reprit pas conscience à temps pour se sauver. Chaque disparition compliquait la tâche. Elzarman, Debout sur un promontoire rocheux qui dominait une pharmaferme où l'on produisait le nouveau médicament miraculeux, le Bacta, en quantité extrêmement limitée, ressentit la pression. L'inertie de la bombe de Tibana qui refusait de bouger. Pour Mann, la force était un océan sans fond, infini, où toute chose évoluait en nageant. Lumineux près de la surface et sombrant dans les ténèbres lorsqu'on s'y enfonçait, mais un grand océan tout de même. Il s'y projeta, se laissa emporter par les courants, plongea plus profond que jamais, voyant et percevant ce qu'il n'avait encore jamais découvert. Cette mer s'étendait sans fin et abritait une telle quantité de choses inédites pour lui. La vigueur se répandit en lui, balayant son épuisement. Il ajouta cette énergie à celle de ses homologues pour leur donner tout ce qu'il pouvait. « Nous allons le déplacer pour qu'il n'entre pas en collision avec le soleil. » Le Tibana pénétra dans la photosphère extérieure de la plus vaste étoile du système Hetzal. Pendant un moment, un très long moment, le chant s'interrompit. Avarkris n'entendait plus que le silence. Le fragment frôla le soleil dont il n'avait qu'effleuré les strates périphériques, surchauffées mais encore intactes, sur une trajectoire qui allait l'emmener hors du système sans causer de dégâts. Le chant reprit vie. Le maître Jedi Avarkris tomba à genoux dans les champs de Hetzal Prime. La poignée de son sabre, désormais éteint, toucha le sol un instant plus tard et s'enfonça dans la terre meuble. Avar respira. Deux longues inspirations, puis une troisième. Elle porta son comlink à ses lèvres. Merci. Ni Avarkris, ni aucun autre Jedi de Hetzal ne savait qu'on avait retransmis ces événements dans toute la bordure extérieure. Le signal avait même trouvé le chemin des mondes situés au cœur de la République avec un léger retard dû aux limites du réseau de communication galactique. Il venait de Keventar, qui opérait depuis le bureau du ministre Eka à Aguirre City et continuait à faire son travail alors qu'il aurait eu l'occasion de partir à bord du Third Horizon. À l'origine, il ne s'agissait que d'un flux de données envoyé au bureau de la chancelière sur Coruscant, à la demande de cette dernière, sur un canal sécurisé à bande étroite, afin de permettre à Lina So et à ses assistants de disposer des dernières mises à jour concernant la catastrophe qui s'acheminait vers sa phase finale. Mais Keventar avait pris une décision. Quitte à vivre les derniers moments de Hetzal, son foyer et celui de milliards d'habitants, il refusait que cet endroit idyllique disparaisse sans laisser de traces. Il modifia les paramètres de la diffusion, retira le cryptage de sécurité et l'étendit à tous les canaux, tous les relais, pour atteindre tous les spectateurs et auditeurs accessibles. À sa façon, cette prouesse technologique était aussi impossible que l'exploit auquel se livraient les Jedi. Quoi qu'il en soit, les habitants de la République assistèrent au moment où le sort de Hetzal fut scellé. Le souffle coupé, ils regardèrent les Jedi travailler de concert pour protéger ces mondes pleins d'inconnus. Ces quelques individus courageux risquaient leur vie pour sauver celle des autres et employaient leur talent unique pour préserver, pour aider. Un hoquet de désarroi résonna sur des milliers de mondes lorsque la première tentative échoua et qu'il devint évident que les Jedi n'avaient pas réussi. Peut-être n'y parviendraient-ils pas. Certains détournèrent le regard, refusant de voir l'éclair aveuglant lorsque le soleil exploserait juste avant d'emporter des milliards d'êtres conscients. D'autres ne pouvaient s'empêcher de regarder et ils assistèrent donc à la suite. L'étoile n'explosa pas. Elle n'emporta aucun habitant. Dans toute la galaxie, on entendit des acclamations de soulagement et de joie. Et aussi les grondements mécontents de ceux qui vivaient dans l'obscurité et espéraient que les Jedi échouent et soient anéantis. Mais ils étaient bien rares. C'était une république qui chérissait et célébrait la vie, ainsi que ceux qui cherchaient à la protéger. C'était une victoire. Ce jour-là, au moins, la lumière avait triomphé. C'était terminé.